La question quand même, c'est drôle parce que t'es pas la seule. Alors il y a beaucoup d'illustratrices, mais hier j'ai interviewé Michel Lemieux, Oui, pareil. ouais. C'est quoi qui te donne vraiment envie de passer à l'animation? Je pense que c'est le temps et c'est le mouvement. Mais le temps en illustration, on fait une image qui raconte beaucoup, tandis qu'en animation, mais on peut se permettre d'inclure le temps dans le dessin. Moi, le dernier livre que j'ai fait en 2009, qui s'appelle Harvey, c'était un roman graphique qui avait environ une histoire qui se développait sur l'équivalent de 10 pages. Mais moi, j'en ai fait 180 illustrés parce que je sentais que dans l'histoire, il y avait des fenêtres que je pouvais ouvrir, puis je pouvais insérer, c'est ça la notion de temps, mettre des pauses, découper vraiment l'histoire comme un peu comme un scénario. Je sentais que je pouvais laisser des espaces, entrer dans ces ouvertures-là, puis vraiment développer la narration en images. Puis je pense que c'est ça. Puis aussi, dans l'illustration, en tout cas, moi, après plusieurs années, ce qui m'a un peu. Ce qui m'a un peu déçue aussi, ben pas déçue, mais un peu ennuyée, c'est le côté décoratif, c'est le côté ornemental de l'illustration, faire des belles images, tandis qu'en animation, c'est pas. En fait, des belles images, ça peut pas vivre seul. Ça doit être supporté par l'histoire, par un bon scénario, Mais c'est sûr qu'il y a des films qui sont forts formellement et tout ça, puis que ça a un côté attractif et tout ça, mais moi, ce qui m'intéresse, c'est vraiment des histoires, puis quand ça bouge aussi, le mouvement, l'âme des dessins. Chaque dessin n'a pas besoin d'être joli, en fait, d'être beau. Il est supporté par l'image qui vient avant, après. Donc, je trouve que ça enlève beaucoup de pression sur chaque image. La pression de la performance de l'illustrateur, en fait. C'est drôle parce qu'on pourrait presque penser que c'est pas l'inverse, mais que justement l'ouverture, la liberté qu'il y a dans une image, en illustration, où chacun finalement s'engouffre et décide un petit peu de l'illustration, de la temporalité, alors que le cinéma, il y a un côté, mais peut-être que ça permet un contrôle, Ben en justement, en tant que fait, réalisateur. moi je trouve que ça libère, au contraire. Je trouve que ça libère. Puis c'est drôle parce que je pense que les animateurs qui n'ont jamais touché à l'illustration rêvent un peu de l'illustration, de cette liberté-là, des contraintes qui tout à coup s'envolent. Puis moi, c'est ce qui m'intéresse, c'est justement de travailler. Je me sens libre avec ces contraintes-là de l'animation. Les films d'animation, moi, qui m'ont touchée dans les premiers films que je me souviens d'avoir vus, qui m'ont vraiment touchée en animation, c'était une combinaison des deux. C'était un effet d'attraction très fort au niveau visuel, au niveau formel, mais une histoire qui était touchante. C'est intéressant ce que tu dis, parce que dans une interview pour Nous Poissons Où Aller, tu dis qu'en effet, vous avez développé le monde, en fait, qui était à l'intérieur, ça, dans le roman, enfin, dans le graphique, il fallait être un peu, pas l'efficace, mais en tout cas, le monde était forcément plus petit. Et là, il y a eu l'expansion du monde. Ça, c'est important de pouvoir travailler, on va dire, quand on adapte, Nous Poissons Où Aller, aller vers autre chose un petit peu, ne pas faire juste une adaptation, Ah oui, dans roman. le cas de Nul poisson voilé, c'était une adaptation d'un album pour enfants. Puis cette histoire-là vivait bien dans le monde du livre, mais on pouvait pas littéralement, mot pour mot, transposer en film. Ça aurait pas fonctionné. Il n'y avait pas, en fait, au niveau visuel puis au niveau scénaristique, il y avait pas, le fil n'était pas assez fort pour vivre en film. Une dizaine de minutes comme ça. Oui. Si je dis que Nous Poissons Où Aller, je sais que c'est des fois quelque chose. Pour moi, c'est un beau film pour enfants. Leur racontant quelque chose, ça veut dire que les adultes ne peuvent pas les mêmes, en tout cas, Oui. que les enfants, d'un seul coup, c'est leur raconter quelque chose de notre monde, Oui. en étant le plus sincère possible. Oui. Est-ce que c'est. Oui, je suis d'accord. Oui, tout à fait. Je pense que l'album s'adressait à des enfants plus vieux, à partir de 12 ans, 13 ans, puis même, on voit peu d'albums pour adolescents, mais je pense que cet album-là, c'était le premier public qui était visé. parce que le niveau de langage était assez, assez élevé. Il y avait beaucoup de non-dits, il y avait beaucoup de métaphores, tandis que le film est beaucoup plus clair, beaucoup plus direct, puis beaucoup plus compréhensible, je pense, pour un public plus jeune. Il y a eu cette envie-là de vraiment de raconter que l'histoire, en fait, que l'histoire, que le film se raconte. Il y a eu des réactions après où des parents venant dire ça me permet, merci, je vais utiliser le film, ça me permet de parler avec mes enfants ou on s'en Moi, fout? non, j'ai pas eu ces échos-là. C'est sûr que le film, pour le moment, il a surtout vécu en festival, donc c'est plus un public de cinéphiles, Ouais. d'étudiants et tout ça, mais il commence à peine là, sa vie, en fait, justement dans les lieux plus publics, les écoles, les bibliothèques et tout ça, donc D'accord, donc les c'est. lieux de médiation, j'ai hâte de voir. Mais ouais, c'est long, hein, la vie d'un film. Ouais, hein? Ouais. Mais c'est bien aussi, Oui. parce qu'il vient d'être mis sur le site de l'ONF aussi, Oui. il n'y a pas longtemps. Donc, oui, donc les réactions vont venir peut-être Oui. par la suite. Est-ce Oui. que, c'est une question que j'ai jamais posée, mais est-ce qu'il y a des gens dans l'illustration qui te disent, mais pourquoi t'es passé à Oui. l'animation? Oui. Ouais. Ben, en fait, j'en parlais avec d'autres illustrateurs, puis d'autres animateurs qui viennent de l'illustration. Puis souvent, je pense que c'est un monde l'animation, c'est un monde qui fascine. Les gens trouvent ça, vu du domaine de l'illustration, trouvent ça fascinant, mais en même temps, ça les effraie. Le côté un peu monastique, le côté très solitaire, souvent de l'animation. Puis moi, je me souviens qu'une de mes premières rencontres avec une cinéaste, vraiment pas avec le film, mais avec la cinéaste, c'est avec Michel Lemieux qui m'avait invité à voir son studio ici à l'ONF, qui était à cette époque-là, qui était dans un autre local, puis c'était tout sombre, elle travaillait avec l'écran d'épingle, puis elle appelait ça ma grotte. Il y avait un côté. Ça fait pas forcément envie, Non! oui. Puis moi, au contraire, je l'ai envié. J'ai envié, Ouais. c'est oui. Parce que justement, avec mon dernier livre, j'ai l'impression que quand j'ai fait le roman graphique, Harvey, il y avait 180 pages, mais une fois que la machine était partie, j'ai l'impression que j'aurais pu en sortir 180 autres. Puis, je pense que j'étais rendue là au niveau de la création. J'avais envie. Parce que c'est tellement long construire un univers cohérent. Une fois qu'il est construit, ben, on a envie de l'explorer puis de vraiment en profiter. Donc, c'est certain que de l'extérieur, je pense que soit ça attire, soit ça répulse. Il y a un vrai challenge, il y a un vrai jeu d'amener son illustration à bouger, d'essayer qu'elle soit le plus possible comme dans sa tête. Ah Dans le oui. premier, il y avait le travail, alors notamment encore plus sur l'aquarelle. Oui. C'est. Oui. Ouais. Ben moi, c'est encore. Ben c'est un défi parce que c'est ça, je suis illustratrice à la base, puis j'ai aussi étudié en design graphique. Donc, quand j'ai travaillé sur mon premier film, j'ai travaillé avec Nicolas Lemay, qui est justement, on se complétait bien parce que moi, j'arrivais d'un domaine plus artistique. Lui arrivait de l'animation, c'est un grand technicien aussi, c'est un grand animateur, donc il était capable vraiment de m'aider à sans il a mis son ego de côté, puis il m'a vraiment montré beaucoup. En même temps, moi je suis pas animatrice, donc quand je travaillais sur mon nouveau film Mamie, mais j'étais encore plus loin au niveau de l'animation, j'ai fait beaucoup de poses clés, j'ai fait toutes les l'univers, les personnages et tout ça, mais c'est pas moi qui a animé quand même le film, donc mais je devais diriger les animateurs, puis ça c'est le premier film, j'étais un peu en retrait au niveau de la direction des animateurs, je faisais plus le design des personnages, je faisais en fait pour arriver à, c'est comme si je faisais, ben c'est ça, c'était de la mise en scène, mais d'un côté plus formel. Je prenais par exemple une scène, puis je faisais une illustration pour voir qu'est-ce que je voulais qu'il se passe à l'écran à ce moment-là. Mais tout le déplacement des personnages dans le décor, toute la mise en scène, en fait la mise en place, mais l'action, c'était très. Il y avait Nicolas qui s'impliquait beaucoup plus à ce niveau-là, tandis que là, pour Mamie, mais je me sentais prête Ah, affronter Toi qui as ça. fait là le storyboard, qui a fait Oui, qui était beaucoup plus, ouais. storyboard, animatique, c'est sûr que j'ai eu des consultants, mais là, il a fallu que je me que je me fouette puis que je me lance. En fait, c'est se lancer aussi, parce que c'est intimidant, puis de se mettre à diriger les animateurs, parce que... Mais finalement, je pense que quand on est rendu, qu'on a l'animatique étouffée, mais ça désamorce aussi cette gêne-là parce qu'on connaît notre personnage, on sait Ouais. ce qui va se passer et tout ça. Fait que quand on est rendu à diriger, mais finalement. Est-ce que c'est ça, beaucoup d'animateurs disent qu'en fait l'important c'est que le réalisateur soit comprenne son histoire et réussisse à transmettre Je pense que son oui. histoire, ouais. Oui, parce que quand on est à l'extérieur de ça, quand on a notre projet, puis on n'a pas encore fait. Quand on a un projet de film, on n'a pas encore le film, on a le scénario, le storyboard, on s'en va vers l'animatique. Mais en fait, c'est comme si on regarde ça de façon froide. On se dit, oh, je vais être devant un animateur, comme si on était devant un comédien, qu'est-ce que je vais lui dire? Alors que quand on a passé à travers toutes les étapes jusqu'à l'animatique, après avoir travaillé tant de mois sur l'animatique, en fait, on. Il n'y a aucun doute. Ouais, c'est ça, Ouais. c'est là. Ouais. C'est important de partir de la famille, parce que les deux projets, les deux films sont partent de ça. Oui, mais en fait, pour Nulle Poisson, c'est certain que c'est plus un scénario qui vient de Marie-Francine Hébert. Puis ça s'est un peu placé comme ça, puis j'ai travaillé sur ce projet-là. Mais pour Mamie, là, c'est vraiment, c'est venu comme ça. C'est une première histoire. Je pense que j'étais rendue là aussi. Avant, je me sentais pas prête à raconter, moi, des histoires. Je me sentais pas assez mature, probablement, au niveau mon univers. Peut-être qu'il a fallu aussi que je me sente vraiment en maîtrise de mon art un peu, là, mais comme si on pouvait un jour être totalement en maîtrise, mais en tout cas, que j'assume un petit peu plus mon style, mon niveau de dessin pour être capable après de mettre ça de côté puis de me concentrer plus sur ce que je voulais raconter, ce que j'avais à dire. Puis là, j'avais envie de raconter une histoire qui intime. Je pense que c'est un peu par là où on passe aussi comme artiste, c'est là d'où on vient. Fait que je pense que c'est un point de départ intéressant pour se mettre à raconter. C'est évident, quand on fait son premier scénario, de parler de quelque chose d'intime, ça doit être compliqué de se dire par quel angle je le prends, Mais je ou pense non, c'est que venu. si j'avais eu à. Si j'étais passée par les écoles d'animation comme La Poudrière et tout ça, je suis pas certaine que à ce moment-là, à cet âge-là, j'aurais parler de quelque chose d'intime comme ça, mais là comme je suis plus vieille, je sais pas, j'ai travaillé beaucoup sur les textes des autres et tout ça, on dirait que ça m'a ramenée vers mon univers à moi. Donc pour moi oui, à ce moment-ci c'était évident. Ça c'est une histoire à laquelle je pensais depuis longtemps. En fait, le fait que ma grand-mère s'est jamais intéressée à moi ou à ses autres petits-enfants. Puis c'est aussi venu parce que là, j'ai eu un enfant. Je me suis rendu compte aussi de l'accueil, de l'instinct naturel, de l'accueil que faisaient les grands-parents, les parents aux enfants qui viennent au monde. Puis c'est là où je me suis dit, ah, OK, donc ma grand-mère n'était pas normale. C'est là où ça m'a donné envie de m'intéresser à la personne. Puis c'est aussi. Finalement, je parle de quelque chose d'intime, mais c'est aussi, je pense qu'il fallait que je me détache de ma propre personne pour me tourner vers cette personne-là qui était ma grand-mère pour comprendre aussi c'était quoi elle, d'où venait son désintérêt. C'est drôle quand tu dis pas normal. J'ai trouvé que justement t'en faisais un portrait. Alors c'est un peu normal, mais c'est très touchant et que Oui. finalement on peut, enfin en tout cas, comprend son attitude. On peut comprendre en tout cas son attitude. Ouais, mais je pense que c'est un peu ça la démarche. J'ai fait un film pour comprendre pourquoi elle s'est jamais intéressée à moi ou à ses autres petits-enfants. Puis, au fur et à mesure, on se rend compte que les gens, ils ont tous leurs soucis, leurs problèmes. Puis finalement, ça aide un peu, oui, à pas avoir un regard aigri ou nostalgique, puis c'est un peu ça aussi le film en fait, c'est qu'on se rend compte qu'il y a des gens chez qui on ne pourra jamais aller chercher ce qu'on veut. Donc, comme artiste, comme personne, mais aussi bien se l'inventer, puis c'est un peu ce que je fais à la fin du film. Je me dis, mais tant pis, j'en ai pas eu de mamie comme j'aurais aimé, mais je vais me l'inventer cette mamie-là. Oui, c'est ça, et puis Ouais. c'est intéressant. Alors, c'est toujours difficile parce que là, les gens qui écouteront l'interview, on peut pas trop dire, évidemment, le Ouais. film sortira sous l'année prochaine, mais il y a ça aussi, si on regarde la fin, l'attente, des fois trop importante, par rapport aussi au regard de la société, en disant, une grand-mère, ça doit faire ça, Oui. quelqu'un doit Oui. faire ça, enfin voilà, c'est comme si on était obligé d'être dans un cadre parce qu'on avait un nom comme Oui. grand-mère, enfin on avait une Oui. fonction quelque part. Oui. Oui, puis le titre aussi, ça appelle à quelque chose de très chaleureux. En fait, quand on appelle quelqu'un par ce nom-là, mamie ou papy, en tout cas au Québec, c'est souvent comme ça qu'on les appelle. Puis mamie, papy, déjà dans le mot, il y a quelque chose de chaleureux, d'affectif. Et tout de suite, en commençant le film, en fait, on désamorce ça. C'est pas une grand-mère chaleureuse, c'est pas. Et pourtant, elle s'occupe de son Oui, mari. oui, oui. Ben C'est oui. pour ça que je trouve que le film est plus. Peut-être moins. La présentation qui dit justement elle Oui, s'est jamais occupée. Et qui est normal, oui, qu'elle a la vision de l'enfant. oui. Regarde l'enfant, je la trouve peut-être que la plus grande Janice, on va dire, par rapport à Ouais. la plus petite, voit ça justement aujourd'hui d'une manière un peu différente. Oui, mais je pense que c'est ça. C'est jamais noir et blanc. C'est un peu ça aussi, vieillir. On se rend compte, on ajoute un peu d'eau dans son vin. On voit que les gens, en fait. Mais c'est ce que je veux dire, c'est que on se détourne de nous. Moi, quand j'étais petite, je me sentais très coupable, en fait, de ne pas m'occuper de ma grand-mère qui vieillissait, de ne pas avoir de pas ressentir assez d'affection. Puis finalement, mon regard change en vieillissant parce que je me dis, ah ben non, en fait, c'est cette personne-là qui n'a pas su créer des liens, donc moi, j'ai pas pu ensuite lui renvoyer la balle, entretenir ces liens-là, puis ça nous permet de comprendre que c'est ça, tout n'est pas par rapport à nous, en fait. On va laisser les gens découvrir le film évidemment Ouais. plus tôt, mais c'est on va revenir à un côté peut-être, mais qui est intéressant, c'est compliqué de faire une coproduction entre la France, entre deux pays, quand on écrit son scénario, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il y a des fois, on se retrouve confronté à deux réalités qui sont différentes, avec, je sais pas, un producteur d'un côté qui dit non, ça tu peux pas faire ça par exemple, et l'autre qui dit bah non, ça tu peux pas, et Ouais. ouais. Ah ben moi, dans mon cas, ça a été vraiment une super expérience. Ça a été vraiment complémentaire, la part de chaque producteur. Au départ, c'est ça, c'est Marc Bertrand qui m'a dit, il m'a dit, envoie ton projet à l'appel de projet à Annecy, parce que ce serait chouette d'avoir un coproducteur. Les producteurs, ils veulent toujours un coproducteur. Puis, je l'ai envoyé, puis le projet a été retenu tout de suite par Folimage, puis c'est Corinne Détombe qui a décidé de le produire avec Marc. Puis, tout de suite, eux, en fait, ils sont beaucoup intéressés à la partie écriture. C'est ce dont j'avais besoin parce que c'était un premier scénario. De toute façon, je pense qu'on a toujours besoin. Puis Corinne, puis aussi il y a Canal+ qui est entré dans le bateau assez vite, en fait. Puis ils ont eu beaucoup de finesse. Ils ont travaillé avec moi. En fait, c'est une narration, un scénario assez minimaliste, un peu comme l'univers. Il n'y a pas beaucoup d'éléments, donc chaque élément avait son importance, puis ils m'ont beaucoup aidé à raffiner justement, ils m'ont posé beaucoup de questions, puis ça, j'ai beaucoup apprécié ça. Donc il y a vraiment toute la partie écriture du développement qui s'est surtout fait avec la France, puis ensuite il y a eu beaucoup d'allers-retours comme ça. Après ça, je suis revenue au Québec, j'ai développé le projet au niveau du storyboard, de l'animatique. Là, j'ai eu beaucoup de ressources à l'ONF, des consultants pour m'aider au niveau technique pour les scènes d'action, par exemple, quand mamie se berce ou. Mais c'est une blague, en fait. mais c'est ça. Donc, puis ensuite, j'ai fait un retour en France. Vraiment pour la fabrication du film. Puis là, j'ai bénéficié de toute l'expertise des super animateurs de Folimage. Puis j'ai eu vraiment une équipe qu'on n'a pas à l'ONF. L'ONF, c'est plutôt c'est des équipes réduites. C'est l'école du réalisateur seul. C'est vraiment ça. Je reviens, Ouais. tu dis c'est une blague par rapport à l'action, mais c'est vrai qu'il y a toute une réflexion par rapport à comment une personne aussi un peu âgée peut se déplacer, Oui, etc. Et oui. y a toute une réflexion. Enfin voilà, il y a, Oui. est-ce qu'on bouge beaucoup le cadre quand même? Est-ce que le Oui. cadre va suivre, Oui. etc. Je suppose que ça, Oui. c'est. Oui, puis moi, j'ai un peu un. Comme je viens de l'illustration, mais je pense que c'est naturel pour moi de tout inclure l'action dans le même cadre. Puis souvent, je travaille en plan large. Donc, c'est vraiment. Je me rends compte de ça. Puis souvent, je me dis, ah, mais pourquoi je ne mettrais pas tout le monde, tous les personnages dans le même cadre? Puis mais ça vient vraiment de l'image de la double page de l'album. C'est-à-dire que j'ai vraiment tendance à faire des cadres aérés, puis les personnages se déplacent. Puis parfois, mais ça sert mon histoire, mais à d'autres moments, ça sert pas nécessairement l'histoire. Puis dans Nul Poisson, on avait une mise en scène très théâtrale. Puis ça fonctionnait très bien, mais des fois, on se cassait un peu la tête à essayer de rendre bien l'histoire de cette façon-là. Là, je tenais pas nécessairement à cette mise en scène-là aussi théâtrale, mais quand même, c'est resté. Ça fait partie, je pense, de ça. Mais au niveau du jeu, c'est sûr que, par exemple, quand il y a une animatrice qui a travaillé chez Folimage qui s'appelle Sylvie Léonard, je me souviens, un des premiers plans qu'elle a animé. C'est Mamie qui repasse. Puis je me souviens que comme le personnage est assez rond, assez douillet, assez chaleureux, mais elle la faisait bouger de façon très très douce, très très grand-mère en fait. Puis je disais non non non non, c'est important que à certains moments on resserre vraiment. Le cadre était plus serré à ce moment-là aussi. Puis c'est important que les mouvements soient plus raides, soient plus agressifs que On n'oublie jamais que ce personnage-là a une certaine colère en elle. Par exemple, il y a un plan où on voit elle sort un gâteau sur le balcon, puis elle donne un coup de pied sur le pâté. En fait, le pâté, elle le mélasse. Puis c'est important que ça se fasse de façon assez raide, assez. Donc c'est tout dans ces détails-là en fait qu'on ressent. La personnalité du personnage. C'est le plaisir aussi de travailler avec des animateurs, des animatrices qui vont pouvoir Ah oui. ouais, Ah mettre oui. ça en place. Ouais. Là, j'ai travaillé cette fois-ci avec ça, Sylvie Léonard et Marc Robinet. Puis, ils ont tellement d'expérience. C'est un bonheur. En fait, ma seule tristesse, c'est de ne pas avoir eu assez de temps parce que je pense qu'on aurait, comme dans tous les films d'animation, on aurait aimé ça aller encore plus loin. Puis, une fois qu'on voit. Je pense aussi l'expérience me fait réaliser que ben, c'est comme des comédiens. Enfin, on voudrait recommencer, recommencer et tout ça. Mais à un moment, il faut s'arrêter. Puis. Le format 6 minutes, justement, c'était quelque chose de voulu à la base, de faire quelque chose d'un peu court, d'un peu, Oui. ouais. Oui, c'est important parce que la première fois que j'ai soumis le projet, c'était au concours Cours écrire ton cours de la SODEC, qui est un laboratoire de création spéciale animation cette année-là, en 2012. Puis ça s'adressait aux jeunes réalisateurs en cinéma d'animation qui voulaient faire un projet de 5 minutes. Donc, pendant un mois, on avait des scénaristes expérimentés qui nous aidaient à travailler le scénario, mais dans ce format-là. Donc déjà, il y a eu un premier travail. Puis ensuite, mais c'est sûr que mon producteur à l'ONF était très intéressé aussi par ce format-là. C'est plus économique. Puis il y en a de moins en moins. Oui, c'est vrai? Ouais, il y a de Ah plus en oui? plus de films longs et les gens vont plutôt vers. Comme, on va dire que l'animation est entre guillemets un peu plus facile à faire, ce qui n'est pas vrai, mais en tout cas, il y a des Ouais. choses qui permettent d'être plus. La plupart des gens en fait vont vers du 12, 13 minutes. Et c'est Oui. assez rare finalement aujourd'hui d'avoir OK. des films de 5-6 minutes. Ouais. Ouais. Ben moi j'ai aimé ce format-là, je trouve que au niveau de la fabrication aussi, puis comme c'était mon premier film seul, je suis contente de m'être limitée à ce format-là, à cette durée-là en fait. Puis aussi une autre contrainte que je me suis donnée, c'est de travailler encore cette fois-ci avec l'aquarelle. Je ne sais pas si un prochain film serait encore avec ce médium-là, mais ça, c'est. J'avais envie de. Mais ça allait bien avec l'histoire qui se passe en Gaspésie, sur le bord de la mer. On peut se dire que l'aquarelle, il y avait des liens entre cet univers-là qui est près de l'eau, le médium aquarelle, mais c'est aussi un médium, honnêtement, moi qui est rassurant, qui est bien contrôlable pour moi, même si l'aquarelle, c'est absolument, Pas c'est pas un évident, médium ouais. contrôlable, mais pour moi, oui. Puis cette fois-ci, justement, par rapport à Nœud Poisson, où la couleur jouait un rôle important, était presque un personnage du film, là, cette fois-ci, l'aquarelle est secondaire, elle vient supporter. Elle vient vraiment supporter l'histoire, mais elle joue pas un rôle de premier plan comme dans Nœud Poisson. Puis en plus, j'ai laissé la peau des personnages couleur papier. C'est vraiment juste les visages, les membres sont faits au trait parce que l'animation est encore devait aller un cran plus loin, être plus fine, plus délicate. Le personnage de Mamie, si elle lève un sourcil, mais il fallait la voir. On voulait pas voir l'aquarelle vibrer dans son visage. C'est important. Oui, j'ai Donc senti plus de simplicité oui, dans ce film-là, hein, oui, esthétiquement, ouais. oui, oui. J'avais Donc c'est envie de ça, c'est ça. pour qu'on reste plus sur l'histoire, Oui, oui, pas oui. forcément sur la technique. Oui, mais quand je revois Nœud Poisson, je trouve que ça bouge tellement. Puis là, je travaillais aussi avec les animateurs de chez Folimage. Puis eux, les pieds, ça doit pas bouger. J'en ai. C'est vraiment. Eux, là, ils sortaient d'avoir travaillé sur des films comme Phantom Boy et tout. Puis les traces, là, quand ça vibre, là. Je pense que. Il y a des visions comme ça particulières dans les Oui. studios. Oui, mais j'ai aimé ça. Moi, j'aime bien. Ouais, Ouais. Ouais. c'est rassurant ou c'est un peu stressant de se dire pour son premier film seul en tout cas, on est à la fois l'ONF alors qu'il était déjà là et Folimage qui sont deux gros studios aujourd'hui. Ben non, moi je me suis sentie. En fait, je pense qu'en vieillissant, justement, comme artiste, on vient à connaître plus nos forces, puis nos lacunes. Puis moi, je veux juste travailler avec des gens meilleurs que moi, tout le temps, dans plein de domaines, en fait. Puis là, ben, comme je sais que ma force elle se situe plus au niveau, je pense que plus ça va au niveau de la direction artistique, au niveau de la mise en scène. Puis là, je travaillais avec des animateurs de grands, grands talents, puis j'avais tout à apprendre, en fait. Puis je pense que c'est aussi quand on se rend compte de nos lacunes, on a aussi une disponibilité, une ouverture. Puis je pense que c'est ces animateurs-là qui m'ont aidé à aller beaucoup plus loin, en fait, parce que j'étais très à l'écoute de ce qu'ils avaient à me dire. C'est bien parce que souvent on peut au contraire se bloquer dans le lien avec quelqu'un d'autre, on va dire, qui est soi-disant à la. Enfin, voilà, qui est dans l'obligation de travailler pour nous, ce genre de choses. Là, non, c'était vraiment Ben, puis je pense que le pour les bonheur. animateurs, en tout cas, moi, ce que j'ai ressenti, c'est que quand ils travaillent sur des films d'auteur, justement, c'est la place pour leur donner beaucoup de place. C'est l'endroit où, quand ils travaillent sur des longs métrages, ils sont sur des grosses équipes, ils deviennent plus techniciens, en fait, animateurs, leur rôle est beaucoup plus limité, tandis que sur un court-métrage, c'est un espace d'exploration pour eux. Je pense que justement, la chance que j'ai eue, c'est de préparer le projet le plus avancer le projet le plus possible avant de commencer l'animation. Comme ça, les personnages étaient vraiment solides, la direction était solide, puis la mise en scène, l'action, tout était calé en fait. Comme ça, quand je suis arrivée là-bas, mais je pouvais juste recevoir les bonnes idées, puis ça pouvait juste ajouter, puis des fois, non, ça fonctionnait pas, mais d'autres fois, il m'a dit, ah oui, ça c'est bien. Par exemple, Marc Robinet me disait, as-tu pensé que tu pourrais faire ça? Par exemple, il y a un plan où. J'avais un mouvement, c'est une des, je pense c'est la deuxième scène où la maison, en fait on fait le tour de la maison de mamie pour comprendre que sa maison, il n'y a aucune fenêtre qui fait face à la mer. Puis en discutant avec Marc, on a exploré différentes façons de faire le tour de cette maison-là. Puis je pense que si justement j'avais pas été préparée, j'aurais peut-être été plus insécure, j'aurais peut-être plus tenu à certaines idées. Là, moi, j'avais fait plusieurs essais. Donc quand il est arrivé avec une solution, j'étais convaincue que sa solution, c'était la meilleure. On parlait avec Ouais. Michel Lemieux des intentions. Il disait, moi j'ai des intentions qui sont fortes au début, en tout cas je vais jusqu'au bout des intentions, puis après je me laisse aller. Alors elle avec l'écran d'épingle, Oui. toi Je pense avec que les c'est un animateurs, peu le même. ouais. Mais en fait, celui qui m'a formé, c'est en animation, c'est Nicolas Lemay, quand on a travaillé sur Nos Poissons. Puis lui, son objectif, c'était très généreux. En fait, il m'a dit, je voudrais que quand on termine de travailler ensemble sur Nos Poissons, tu sois capable de réaliser un film seul. Puis je pense que aussi une des en tout cas, je ne sais pas si j'étais capable, mais je l'ai fait. Il m'a donné envie de me lancer, c'est déjà ça. Puis, ce qu'il m'a expliqué aussi, c'est que quand tu travailles, parce que lui est habitué de travailler avec une équipe, ce qu'à l'ONF, souvent les animateurs qui travaillent seuls, en tout cas pour l'animation, n'ont pas à vivre. Puis moi, je me préparais à aller diriger quand même une équipe on était au maximum, on était environ 7 personnes chez Folimage. Donc, il faut être très prêt. Puis Nicolas, ce qu'il m'a dit, puis ça m'a beaucoup aidé, il dit, c'est qu'au départ, quand on travaille avec des gens, avant de travailler avec eux, il faut qu'on mette le maximum, maximum, maximum de temps. Parce que plus on va travailler avec des gens, plus notre projet va se diluer. Donc, c'est au début, il ne faut pas se dire, ah, mais j'aurai du temps pour faire mes designs, j'aurai du temps pour faire mes décors, j'aurai du temps pour faire ci, ah, je maîtrise ça. Il faut vraiment au maximum, quand on est seul, avancer, avancer, le construire notre univers le plus serré possible, parce qu'après, c'est sûr qu'il va y avoir des interprétations. Donc ça m'a beaucoup aidé. On arrive à la fin de l'entretien, mais juste, on parle souvent, et c'est normal, des animateurs, des gens qui sont au moment du tournage. Quand on a des gens comme Marie-Bertrand, Corinne Détombe à l'écoute, est-ce que d'avoir. C'est difficile de dire non, j'ai pas bien choisi mon producteur. Ben Après, justement, dans je voulais en l'impossible, mais parler. ouais, est-ce que c'est. Alors vas-y, on t'écoute pour. C'était quoi la fin de la question avant que je mange? Non, c'est vrai que c'est important d'avoir des. En France, il y a de plus en plus de producteurs, et c'est vrai qu'il y a de plus en plus de jeunes réalisateurs ou qui se lancent, et c'est vrai que c'est l'une des grandes complexités vers quel producteur je vais au Canada, ou pas dire canadien, parce qu'il y a d'autres évidemment possibilités, mais c'est vrai que l'ONF a cette espèce de phare où on se dit qu'on va aller, mais c'est important pour toi de pouvoir discuter, de prendre du temps avec un producteur, enfin, un tout petit peu, par exemple, Corinne Détombe, je sais Oui. qu'elle est normalement assez à l'écoute, Oui. évidemment, de ses réalisateurs, des gens avec qui elle travaille. Oui. Ben en fait, je trouve qu'ils ont été très discrets, les deux producteurs, dans leurs interventions, mais ils ont su à quel moment me relancer, me challenger. Ça, j'ai beaucoup aimé ça parce que je suis assez autonome dans ma démarche, mais j'ai besoin de gens qui savent voir oups, quand je pourrais aller dans une direction qui est peut-être pas la meilleure pour le projet. Puis c'est et Marc Bertrand et Corinne, ça m'a beaucoup surprise, tu sais, justement, que les deux fonctionnent sur ce mode-là, de vraiment que ce soit le projet qui guide à chaque fois. Puis le dernier exemple que j'ai eu de ça, c'est que cet été, quand je suis revenue de chez Folimage, j'avais travaillé sur le compositing là-bas. Puis quand je suis revenue, j'avais l'impression que le film était terminé, que j'aurais pas plus de temps, de ressources. Mais en moi, je sentais que c'était pas tout à fait terminé. Mais je l'avais pas encore bien. C'était un sentiment que j'avais en moi, mais sur lequel j'arrivais pas à mettre des mots clairs. Puis, et Marc et Corinne, ils ont vraiment senti ça. Puis, ils m'ont donné plus de temps, sans même que j'en demande. En fait, ça s'est fait un peu de façon en symbiose. Puis, il y a tout un travail qui s'est fait une fois que le film. Moi, j'avais l'impression. On avait tous l'impression qu'on était arrivé au bout. Puis, tout le monde a dit non, on n'est pas arrivé au bout. Puis, on a retravaillé pendant 3-4 mois, en fait. Au niveau, mais vraiment du raffinement. Donc, ça, c'est génial. C'est génial Ouais. d'avoir ça. Oui. Ça veut dire que ça y est, là, t'es bon, tu vas faire de l'animation ou. Ben oui, j'ai un prochain projet déjà. D'accord, ouais. Ouais. Le prochain projet, c'est. Mais je retourne à l'adaptation. En fait, c'est le roman graphique Harvey qui avait été publié à la Pastèque. Ouais. Donc, ça, c'est mon prochain projet avec l'ONF, puis peut-être Folimage, on va voir. C'est dans les discussions. Toujours la volonté de Ouais. faire un projet court ou là peut-être un Oui. peu plus long ou Oui, sûrement un peu plus un long. peu plus long. Oui, mais peut-être on regarde autour du 8 minutes, en fait. Ouais. Ben, merci beaucoup. Ben, merci à toi.